Les parois vibrent, arrachent, respirent. Chaque mot tombe, chaque souffle attire. Riders qu'il murmure, son nom s'élève. La foule succombe, le canyon s'achève. Ton nom s'inscrit dans la poussière rouge. Chaque fraise brûle, chaque trace bouge. Ton souffle frappe comme pierre tranchée. Chaque mot tranche, chaque phrase hachée. Riders kill charme, ses murmures liens. La foule tremble, happée par la nuit. Ton nom serpente comme fissure. Chaque mot brûle, chaque souffle murmure. Le vent rugit dans les crevasses. Chaque mot tombe, chaque phrase fracasse. Riders qu'il règne, sa voix m'obsède. La foule succombe, happée, possédée. Ton nom résonne dans la roche. Chaque syllabe frappe, chaque mot s'accroche. Whisper deeper, canyon fire. Souffle court, chaque phrase hurlante. Riders kill charme, son nom m'attache. La foule s'écroule sans relâche. Ton nom s'écrit sur les murs ardents. Chaque mot griffe, chaque souffle est sang. La roche crie, les flammes s'élèvent. Chaque mot tombe, chaque souffle s'achève. Riders qu'il règne, sa voix résonne. La foule succombe à paix. Riders kill charme, ses murmures serrés, la foule s'efface, brûlée. Riders kill charme, son nom demeure. Le canyon tremble, guidé par son ardeur.